Bonsoir, bienvenue dans Autant n'emporte l'histoire. Aujourd'hui, Koufra 1941, la première victoire de la France libre. Le 23 novembre 1944, le général Leclerc, après des combats acharnés, libère Strasbourg à la tête de sa deuxième DB et fait planter le drapeau français sur la cathédrale, comme il se l'était juré 4 ans plus tôt à Koufra. « On y est cette fois », dit-il à ses hommes, « maintenant on peut crever ». Comprendre le sens de ces mots, cette émotion, il faut revenir début 1941. Alors qu'en France et en Europe, personne ne croit à une possible victoire sur Hitler, un certain commandant Leclerc, envoyé par le général de Gaulle au Tchad, décide qu'il va libérer la France. Première étape de ce projet insensé, s'emparer du fort de Koufra, situé à plus de 1500 km en plein désert libyen et tenu par les troupes de Mussolini. Leclerc est fou. Il n'a qu'une poignée d'hommes, très peu d'armes, un seul canon, des véhicules hétéroclites et hors d'usage, pas de radio, pas de cartes. Qu'importe, ces hommes, des officiers français mais aussi des tirailleurs africains, se lancent dans l'aventure, électrisés par ce drôle de bonhomme au charisme exceptionnel. Première victoire de la France libre, la prise de Koufra le 1er mars 1941 est aussi l'histoire d'un incroyable coup de bluff imaginé par Leclerc, stratège audacieux et éternel insoumis. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Jean-Christophe Notin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, écrivain, vous connaissez bien Leclerc, auquel vous avez consacré il y a quelques années une biographie, une excellente biographie. Et plus récemment, vous êtes l'auteur d'un livre sur les compagnons de la libération. Ces personnages vous fascinent ? Oui, depuis toujours. Et j'avais pour rêve de les rencontrer tout jeune, et j'ai eu la chance exceptionnelle de les rencontrer. Certains d'entre eux, ceux qui avaient survécu ? Oui. Donc à la fin des années 90, j'avais eu la chance exceptionnelle de rencontrer à peu près 150 compagnons de la Libération. Rappelons qu'il en reste 4. En 2019, le général Leclerc, on le sait, est l'homme qui, à la tête de la 2e DB, a libéré Paris le 25 août 1944. On a en tête ces images d'euphorie populaire. Mais ce qu'on connaît moins, c'est le début de l'histoire. Comment la libération de la France a commencé en Afrique? Pourquoi l'Afrique, Jean-Christophe Notin? Alors l'Afrique, parce qu'il faut bien se rendre compte que le général de Gaulle à Londres est en quelque sorte un roi sans terre. En 1940, oui. Il a quelques troupes, mais il n'a pas de territoire. Donc c'est l'Afrique qui va être le socle terrestre, en quelque sorte, de la France libre au début de la guerre. L'Afrique, en l'occurrence, l'Afrique équatoriale française, c'est-à-dire les colonies françaises dans l'ouest de l'Afrique. Oui, grosso modo, l'Afrique, il y a deux grandes parties, l'Afrique occidentale et l'Afrique équatoriale. L'Afrique équatoriale, c'est le Tchad, le Congo... Le Cameroun, voilà, j'ai oublié. Et donc c'est cette base-là qui s'est ralliée, l'Afrique occidentale, elle a dit non au général de Gaulle. Oui, le Tchad, il faut le rappeler, gouverné par Félix Eboué, est le premier territoire français à se rallier à de Gaulle. Oui, dès l'été 40. Eboué, un personnage éminent de la France libre, gouverneur noir, pour le rappeler, qui donc va se rallier à la fin août 40, mais enfin qui avait manifesté l'ambition de se rallier au général de Gaulle très très tôt. Et le général Leclerc, qui ne s'est pas toujours appelé Leclerc, qui est-il en 1940? Alors, en 1940, c'est le capitaine Philippe de Hautecloque. C'est un vrai chevalier picard, donc issu d'une très longue aristocratie du Nord, qui mène une très brillante carrière d'officier, qui est un instructeur très célèbre à Saint-Cyr, qui fait une magnifique guerre en 1940. Vraiment, c'est une épopée. Il s'évade plusieurs fois, etc. Donc, il rallie le général de Gaulle le 25 juillet 1940. Il n'accepte pas l'armistice. Alors, il n'accepte rien. Donc vraiment, c'est celui qui ne veut pas renoncer, c'est un chevalier, tant que les dernières armes n'ont pas parlé, il ne s'arrêtera pas. Donc il quitte la France en laissant, il faut le rappeler quand même, sa femme et ses 6 enfants. Et sa carrière, il est promis au plus bel avenir, tout le monde le dit, il va finir à la tête des armées françaises. Il part à Londres, rejoindre le général de Gaulle, et le général de Gaulle lui donne pour première mission d'aller rallier l'Afrique équatoriale. Il se dit, voilà un bel officier qui va un peu stimuler les troupes. Mais l'Afrique équatoriale, bon, enfin, c'est, vous l'avez dit, il y a une partie qui s'est ralliée à de Gaulle, mais enfin, c'est quand même une armée sur place qui n'est pas forcément d'accord avec les idées de de Gaulle. Non, alors c'est le moins qu'on puisse dire. Mais quand évidemment, quand on dit l'armée, il faut surtout se concentrer sur l'encadrement. L'armée d'Afrique, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais ça doit être 25% d'Européens, 75% de tirailleurs qu'on dit sénégalais, mais qui en fait sont pour l'essentiel tchadiens, camerounais. Donc le Tchad a une place essentielle au sein de l'Afrique équatoriale. Ce sont des troupes très réputées, tant pour l'encadrement européen, il y a des officiers très fameux, Massu, Sarrazac, etc. Que pour les troupes elles-mêmes, sont les Sarras, les Adjiraï, sont des tribus très importantes dans le dispositif militaire français. Et donc, quelle est l'idée de Gaulle et de Leclerc? Donc, c'est de partir de l'Afrique, partir du Tchad. Alors, pour être très très franc, en 40-41, il n'y a pas grande idée. Le but, c'était vraiment d'avoir un territoire, essayer de rebâtir une armée. Et ensuite la mettre au service, aller combattre avec les Alliés pour que la France, ça sera le général de Gaulle qui le dira, que la vraie France, la France qui se bat. Il faut que la France ait une contribution à la guerre. Donc ça va être un des rôles assignés à l'armée d'Afrique sous commandement français libre. Et c'est le général Leclerc qui va avoir pour première idée, justement pour un peu fédérer ses troupes, de leur donner pour un premier objectif le fort de Koufra. Donc, quand notre histoire va commencer, en janvier 1941, Leclerc est à Fort-Lamy, l'actuelle N'Djamena, la capitale du Tchad. Il a combien d'hommes avec lui? À peu près, on est entre 500 et 1000. C'est ridicule. Le matériel est hors d'usage, complètement périmé. Ce sont des troupes qui sont très motivées parce qu'elles ont vu la guerre de très très loin, elles n'y ont pas participé. Mais donc, pas de matériel, ravitaillement assez ridicule. C'est Leclerc qui est vraiment chargé de mettre du tonus dans tout ça et de leur donner une énergie. Jean-Christophe Notin, on va voir ça justement, cette énergie insufflée par Leclerc. On poursuit cette discussion, si vous le voulez bien, dans une trentaine de minutes. Tout de suite, Koufra 1941, la première victoire de la France libre. Un texte de l'historien Jean-Yves Le Naour, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire. Réalisation, Cédric Aussire. Novembre 1944, les troupes du général Leclerc entrent dans Strasbourg. La nouvelle est annoncée par la phrase codée « Tissu est dans iode ». Les ordres de l'armée américaine, dont dépend la 2e DB, étaient pourtant très clairs. Tenir les Vosges, prendre Saverne, et c'est tout. Une fois de plus, Leclerc a désobéi. Si on écoute les Américains, on perd son temps. Déjà, devant Paris en août, il m'a fallu désobéir pour secourir la population insurgée. Messieurs, les Américains ne voulaient pas d'une bataille urbaine. Paris n'était pas un objectif militaire, disaient-ils. Pour eux, peut-être. Et pour nous, Paris était un objectif politique, moral, patriotique. Et il en va de même aujourd'hui pour Strasbourg. Je contemple la dentelle de pierre de la cathédrale, avec son immense flèche qui s'élève vers le ciel. Prodige du gigantesque et du délicat, comme l'a écrit Victor Hugo. Et j'y pense, hier, c'était mon anniversaire. J'ai 42 ans, quel plus beau cadeau puis-je avoir? J'ai tenu ma parole. J'ai tenu le serment de Koufra. Hey les gars, vous savez que le colon arrive bientôt? Pourvu que ce soit pas une vache. Alors là, il y a des chances. C'est un cavalier. Il a fait Saint-Cyr, Saumur, l'Espahy et tout le toutim. En plus, je crois qu'il est colonel depuis peu de temps. Alors il voudra sûrement montrer qu'il en a. Celui-là, il va nous en faire baver, je t'en fiche mon billet. Quatre ans plus tôt, le 2 décembre 1940, à Fort-Lamy, au Tchad, Leclerc, capitaine au moment de la débâcle, a été élevé au grade de commandant par De Gaulle quand il l'a rejoint à Londres en juillet. Mais dès le mois d'août, Leclerc s'est proclamé lui-même colonel. Eh bien quoi ? De Gaulle m'a envoyé au Cameroun pour le rallier à la France libre. Et quand j'y arrive, je découvre que c'est un lieutenant-colonel qui commande localement à Douala. Comment voulez-vous que je lui donne l'ordre de rompre avec Vichy si je me présente en petit commandant? Alors j'ai cousu un grade supplémentaire sur ma manche, à la guerre comme à la guerre. Ça a marché, du reste. Au Gabon, en revanche, les autorités ont résisté. Ces imbéciles sont restés fidèles à Pétain. Alors j'ai employé la manière forte et j'ai conquis la place à coups de fusil. Et aujourd'hui, me voilà au Tchad. Ah, oui. Eh ben moi, je vous parie que je le mets au garde à vous, le petit père. Si, les gars. Je vais l'avoir, le colon. C'est moi qui vais le faire marcher. Vous pariez combien? Si ça se trouve, il va débarquer avec un monocle sur l'œil et le stick à la main pour nous cravacher comme ces bourriques. Messieurs, je suis votre nouveau colonel. Eh bien, quel débraillé! Ce n'est pas parce que nous sommes au cœur de l'Afrique qu'il faut se comporter ainsi. Vous, reboutonnez votre chemise. Plus haut. Allez. Et vous, vous n'avez pas de rasoir. Aujourd'hui, ça passe, mais sachez que je ne tolérerai aucun manquement à la discipline, aucun relâchement, est-ce clair ? À vos ordres, mon colonel ! Repos. Messieurs, je sais l'ennui qui vous gangrène, et je suis venu vous dire que les choses vont changer. Nous allons reprendre l'initiative et accomplir de grandes choses. Vous vous croyez oublié au Tchad, au centre de nulle part. Moi, je vais vous ramener en pleine lumière. Demain, on ne parlera plus que de vous. Eh ben, je crois qu'on va pas rigoler tous les jours. Mais regardez comme je vais le mettre au garde à vous. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Assez ! Jeune homme, la prochaine fois que vous voudrez chanter la Marseillaise, vous attendrez que je vous le demande. Et vous, sachez que je n'ai pas besoin de monocle ni de cravache pour commander et me faire obéir. Oui, je serai dur, pour vous comme pour moi-même. Mais je vous promets une chose. Un jour, vous débarquerez en France, un jour, vous libérerez ce pays et je serai à votre tête. Je vous le promets. Vive le colonel ! Vive le colonel ! À peine arrivé au Tchad, le colonel Leclerc regarde déjà vers le grand large. Ses rêves sont immenses, mais ses moyens tellement faibles. Au Tchad, il ne peut compter que sur 6000 tirailleurs africains et 450 soldats français. Pas de quoi songer à bouter les Allemands hors de France. Un pas après l'autre. Avec ce dont il dispose, le colonel vise la prise en main du désert libyen, contrôlé alors par l'Italie fasciste. Le plan de Leclerc est complètement fou. D'abord la Cyrénaïque, puis le Fezzan, enfin la Tripolitaine. Après quoi, on débouchera sur la Tunisie et l'Algérie qu'il faudra reprendre pétainiste. Puis, dans le lointain, le débarquement en France. Une véritable folie dont le premier pas consiste d'abord à prendre l'oasis de Koufra. Quoi ? Que dites-vous, colonel, Koufra ? Eh bien oui, Koufra. Et alors ? Sauf votre respect, mon colonel, c'est impossible. Tiens donc, et pourquoi cela, je vous prie ? Regardez. Nous sommes ici. En effet. Et Koufra est là. Oui, merci, je sais lire une carte, capitaine. Comprenez-moi, colonel, il y a 1500 km à vol d'oiseau. Et par la route, c'est sans doute bien plus. On pourra rouler correctement jusqu'à Faya, le poste le plus au nord, mais après, c'est le désert. Et alors ? Alors, mais il n'y a plus de route. Personne ne passe par là. Il va falloir affronter le sable, et les voitures s'y enfonceront, et puis, là où il n'y a pas de sable, c'est pire encore, c'est le reg, la roche mise à nu. Et puis, vous voyez ? Là, là, là, ce sont des massifs montagneux, avec des pics à plus de 3000 mètres. Eh bien, nous contournerons les montagnes, voilà tout. Venez, accompagnez-moi à mon avion. Et les points d'eau ? Il n'y en a pas. Et les tempêtes de sable ? Vous savez ce que c'est que le sif, colonel ? Ça veut dire sabre, en arabe. Et ça vous cingle le visage comme un coup de trique. Je résume, pas de carte, pas de route, pas d'eau. C'est parfait. Jamais les Italiens ne nous attendront de ce côté-là. On va leur tomber sur le dos par surprise. Mais quoi encore ? Il y a aussi le climat. Il fait très froid durant la nuit. Et une chaleur écrasante dans la journée. De mai à octobre, l'opération est strictement impossible. Ça tombe bien, je ne désire pas attendre aussi longtemps. Nous attaquerons en janvier, à la fin du mois prochain. Pour 5 mois ? Nous ne sommes pas prêts. Raison de plus pour vous y mettre au plus vite, mon petit. Allez, rassemblez le plus de véhicules que vous pourrez. Et surtout, de l'essence. Adressez-vous au Cameroun, au Congo, au Gabon. Et faites venir des camions et de l'essence. Ah, j'oubliais. Ajoutez quelques centaines de dromadaires. Il en faudra pour le ravitaillement et peut-être pour tirer les véhicules enlisés. Vous avez entendu, hein ? Les dromadaires. Allez, à bientôt, capitaine. Nom de Dieu, nom de Dieu. Sur quel animal on est tombé ? Les dromadaires, n'oubliez pas ! Les dromadaires ! Je sais très bien ce qu'ils pensent. Que je suis zinzin, que nous n'avons pas les moyens d'agir. À part la Polynésie et l'AEF, toutes nos colonies, c'est vrai, suivent Pétain. Bref, s'il n'y avait pas Churchill pour soutenir la France libre hors de l'eau, nous serions voués au naufrage. Et pourtant, c'est ne rien faire qui nous condamnerait. En agissant, en battant les Italiens, nous montrerons l'exemple. Et un jour, tous les Français nous rejoindront. Mais si on dit que c'est impossible, que nous n'avons pas les moyens, alors on ne fera jamais rien. « Grâce à l'avion, je peux commander », écrit le colonel Leclerc. En effet, durant les mois de décembre 1940 et janvier 1941, il multiplie les voyages, parcourt le territoire du Tchad de long en large, visite tous les postes et réveille les énergies. Et partout, il donne la consigne de diriger vers Faya Larjo, au nord, les camions et les bidons d'essence. Un drôle de bonhomme, ce Leclerc. Un grand type à la petite moustache, qui se nourrit principalement de bananes séchées et qui se promène éternellement avec une canne à la main, comme s'il s'agissait d'un bâton de commandement. Issu de la noblesse, il en a conservé un tempérament de chevalier ombrageux qui n'a pas peur d'aller au feu. Un chef doit donner l'exemple. Il sera suivi jusqu'au bout par ses hommes s'il leur montre qu'il n'a pas peur et qu'il sait ce qu'il veut. Profondément religieux, il est également profondément patriote. Dans notre famille, même les chevaux font de la résistance. Quand l'occupant a voulu réquisitionner mon étalon le 14 juin 1940, celui-ci a tué un soldat d'une ruade. Eh oui, lui non plus n'aime pas les Allemands. Ses opinions politiques sont conservatrices. Il lit l'Action française, l'organe monarchiste du nationalisme intégral. Ah non, c'est fini. L'Action française est un torchon. Maurras, un traître qui s'est félicité de l'abdication du pays. Et même chose pour Pétain, qui s'est vendu aux Boches. Je l'ai vu, moi, cette France rancie, quand il m'a fallu la traverser pour gagner l'Espagne et rejoindre Londres. J'ai vu tous ceux qui étaient pressés de cesser le combat et de tendre la main à l'ennemi. J'ai demandé l'hospitalité dans une ferme et on me l'a refusée. À Austricourt, personne n'a voulu me donner des vêtements civils, ni même à manger. Le curé du village, au lieu de m'héberger, m'a conseillé de me rendre. Tous ces braves gens ne voulaient pas d'ennui. Voilà la lâcheté. Pétain a été le crochet sur lequel les Français ont pendu leur couardise. L'extrême droite peut parler sans arrêt de la nation. Elle est la première à la trahir. Et pas commode avec ça. Mieux vaut ne pas se mettre sur son chemin. Le général de l'Armina en a dressé ce portrait. Leclerc, c'est le gaillard qui vient vous regarder d'un air méchant, vous écrase le pied en vous bousculant et vous chie votre mouchoir. Au moment où vous allez vous rebiffer, vous vous apercevez qu'avec ce mouchoir, il a fait un service complet. Alors, vous ne dites rien et vous donnez votre chemise. Mais en décembre 1940, il n'a pas encore fait ses preuves et son projet d'offensive sur Koufra est loin de rassurer tout le monde. Tu y crois, toi ? Je t'avoue, je suis pas rassuré. Tu sais comme moi que le pétrole nous vient de Brazza. Et Brazza-Koufra, c'est la distance de Paris à Moscou. Oui, mais sans les routes. Il faut regarder la réalité en face. On n'a pas d'intendance derrière nous. Une pièce de rechange met 6 mois à arriver ici. Alors à Koufra... Justement, voilà le patron. Je crois qu'il va pas être content. Alors les enfants, où en sommes-nous ? Mon colonel, nous n'avons pu envoyer que 62 véhicules à Faya. 62 seulement ? Et sur combien d'hommes puis-je compter ? 400. On ne pourra pas faire plus. 400 ? Nous allons attaquer une garnison retranchée dans une forteresse avec 400 hommes seulement ? On manque de matériel. Et il faut tenir compte des problèmes de logistique. Pour amener 200 litres de pétrole ici, il faut en brûler 800 depuis Brazza. Les camions devront emporter de grandes quantités. Et puis il faut des munitions, des provisions, de l'eau, du pinard... Ah non ! Il nous faut de la place. Pas de vin. Pas de pinard ? C'est vraiment un enfer qui nous amène. Avant de se lancer en plein désert, avec des cartes blanches sur lesquelles il est indiqué « inexploré » entre la frontière tchadienne et l'oasis de Koufra, Leclerc se retire un moment dans le Djebel pour y conférer avec Hamed Bey. Ce chef arabe est un Senoussi, le chef d'une puissante secte musulmane qui rayonne dans le Sahara et tout particulièrement dans le désert libyen. Koufra était autrefois la capitale des Senoussis. Mais depuis la conquête italienne en 1931, Hamed Bey s'est réfugié au Tchad sous la protection des Français. Nous prenons le thé devant la tente et nous regardons le soleil se coucher à l'horizon. Je connais assez l'arabe depuis mes années de service au Maroc et nous arrivons à nous entendre. Il me rédige sur un bout de papier une proclamation favorable aux Français qui nous servira grandement quand nous arriverons dans l'oasis. La population ne nous sera pas hostile, au contraire. Elle sera ravie de se débarrasser des Italiens. En effet, les Senoussis détestent les Italiens. La prise de Koufra en 1931 s'est soldée par des massacres. Les combattants arabes ont été pourchassés et mitraillés par l'aviation fasciste et la plupart des guerriers sont morts de soif avant d'atteindre le territoire tchadien. Les Italiens avaient mis les grands moyens, 3000 hommes, 300 camions, 7000 dromadaires, des autos blindés, des canons et une vingtaine d'avions. Eh bien nous, nous ferons cela à l'économie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je dispose de 62 véhicules et 400 hommes, pas un de plus. Alors on fera avec. Allez, en route. Le 23 janvier 1941, le convoi hétéroclite prend la route. Des véhicules civils et militaires confondus. 300 tirailleurs africains et 100 soldats français. Pour surveiller sa troupe et observer le chemin, Leclerc a fait percer le toit de la camionnette qu'il a transformée en voiture de commandement. Le soir, on organise un carré et chacun dort à côté de son engin, enveloppé dans une peau de mouton. Nous roulons au milieu de paysages sublimes, des vallées encaissées, des cols rocailleux. Comme les cartes sont muettes, nous naviguons à la boussole, et même selon la position des étoiles. Bien sûr, nous avons notre lot d'avaries, de pannes, de fossés qu'il faut combler, de camions ensablés, de pneus crevés. Mais le génie de l'armée française, n'est-ce pas avant tout le système D ? Doucement avec la flotte. Pas plus d'un litre par jour et par personne, ça vaut pour le troufion comme pour le galonné. Les tonneaux sont presque vides, mon colonel. On va bientôt être à sec. Nous arriverons bientôt au puits de Sahara, il y aura de l'eau, c'est sûr. On pourra refaire nos réserves. Le puits de Sahara, dans le désert libyen, a été creusé à la fin du 19e siècle. Dans cette zone totalement aride, à 200 km au sud de Koufra, il fallait absolument un point d'eau pour les caravanes. Mais en ce mois de février 1941, une surprise attend le convoi français. Ah, ces salopards ont bouché le puits. Même en guerre, ce ne sont pas des choses qui se font. Il nous faut de l'eau, non d'une pipe, sinon notre compte est bon. Vous inquiétez pas, colonel, on s'en occupe. Ces feignants l'ont bouché que sur 8 mètres. Et pour le coup, on a ce qu'il faut. Attention! Tout le monde à terre, ça va péter! Maintenant, sortez une corde et un seau. On va s'en mettre plein la lampe. Ça vaut pas le pinard, mais ça se boit quand même. Bon. Maintenant que nous avons de l'eau, le moral revient. Par contre, nous avons de moins en moins d'essence. Nous n'avons pas d'autre choix que de vaincre à Koufra. Le retour en arrière n'est pas possible. Je n'en peux plus d'attendre. Je vais laisser le gros de la troupe à Sahara et foncer sur Koufra avec un petit groupe d'une vingtaine de véhicules. Le 7 février 1941, dans la nuit, ils arrivent devant Koufra. Le fort est tranquille. Rien ne bouge. Ils ne sont pas très vigilants. Il est vrai qu'ici, ils pensent que rien ne peut leur arriver. Sont-ils tous dans le fort? Ou ont-ils des sentinelles disséminées dans la palmeraie? Pour en avoir le cœur net, le colonel et quelques soldats demandent à un habitant de l'oasis de les conduire au chef du village. Fransaoui ? Mais comment avez-vous fait pour traverser le désert ? Rien n'est impossible aux hommes décidés, avec l'aide de Dieu, naturellement. Qu'Allah, le miséricordieux, te protège, colonel. Mais que viens-tu faire ? Les Italiens sont les maîtres ici. Justement, je suis venu vous en débarrasser. J'aurais besoin que tu ravitailles mes hommes, en eau, en fruits et légumes. Et bien sûr que tu me donnes des renseignements sur la garnison italienne. Non, moustahil, colonel, moustahil. Je ne peux pas faire ça. Les Italiens nous réprimeront avec violence pour vous avoir aidé. Chef, voici une lettre du grand Senussi Ahmed Bey qui t'ordonne de nous obéir. Que la volonté d'Allah s'accomplisse. Ah, le grand Senussi, Rabbi Hafdou, que Dieu soit avec lui. Alors, entendu, colonel, je vais te dire ce que je sais. Les Italiens ne sortent que le jour. La nuit, ils s'enferment dans le fort. La nuit, ils s'enferment dans le fort. Ah. Cela veut dire que l'oasis est à nous encore pour quelques heures. Shukran jazilan, chef. Shukran jazilan, akhi, shukran jazilan. Messieurs, nous allons profiter de la situation pour surprendre l'ennemi et lui faire le plus de mal possible. Au terrain d'aviation, vite. Quels sont vos ordres, mon colonel? Nous allons détruire leurs avions. Ils ne pourront plus reconnaître nos positions et encore moins nous mitrailler. Restez ici en réserve avec la moitié des hommes. Moi, je prends le reste et je m'occupe de leur aérodrome. Comme il faudra s'enfuir rapidement après le coup de main, Leclerc mène l'opération avec 4 voitures. Elle roule lentement pour faire le moins de bruit possible et tout feu éteint. Le terrain est difficile, hérissé de blocs de pierre, et une voiture finit par percuter un rocher. Son radiateur est brisé, le moteur ne veut plus rien savoir, il faut l'abandonner. Parvenu enfin devant les hangars, les hommes répandent des bidons d'essence sur les avions et mettent le feu. Le brasier, suivi de l'explosion des réservoirs, réveille les sentinelles du fort. Elles tirent une fusée verte dans le ciel, ce qui, dans l'armée italienne, signifie l'alerte. Le problème, c'est que dans l'armée française, la fusée verte signifie « en avant ». Le petit groupe de réserve qui attendait le retour du commando, croyant qu'on l'appelle, se met donc à foncer vers le terrain d'aviation, tandis que Leclerc revient à bride abattue, les balles traçantes des mitrailleuses italiennes dans le dos. Les véhicules français se retrouvent un temps face à face, et le colonel engueule copieusement ceux qui lui barrent le chemin. Bande d'imbéciles, qu'est-ce qui vous prend? Marche arrière toute, dépêchez-vous, couillon! Vous voyez pas que ça cogne? Hé hey! Retour à ça, vite! Content de vous voir, colonel. Comment votre reconnaissance s'est-elle passée? Un peu plus qu'une reconnaissance, capitaine. Nous avons pris l'ascendant moral. L'ennemi qui se croyait tranquille ne dort plus sur ses deux oreilles, croyez-moi. Nous avons incendié leurs avions. Désormais, ils sont aveugles. On a gagné la première partie, mon pote. Voilà une bonne nouvelle. Maintenant, il nous reste à nous occuper de la Sahariana. Et ça, ça sera pas du gâteau. La campagne à Sahariana di Kufra est une unité d'automitrailleuses blindées dotée de grands réservoirs leur permettant de longs déplacements. Leurs moteurs sont puissants et leurs pneus, très larges, parfaitement adaptés au désert, évitent aux véhicules de s'enfoncer dans le sable. Entre la Sahariana italienne et la colonne française, équipée de briques et de brocs, le combat s'annonce d'entrée inégale et l'affrontement perdu d'avance. Quand on n'est pas le plus fort, il faut être le plus malin et le plus offensif. Vous verrez, Kufra n'est pas imprenable. Et la Sahariana n'est pas invincible non plus. Allez maintenant, tous en route. Enlève le camp en direction Kufra. Non, pas vous, c'est Kaldi. Vous nous retardez avec vos canons. Vous n'arrivez pas à suivre. Restez donc ici, à Sahara. Mon colonel, ce n'est pas possible. Vous ne pourrez pas prendre le fort juste avec des fusils. Vous aurez besoin de mes deux canons. Je n'ai surtout pas besoin de traînards, lieutenant. Et vos camions sont trop lourds. Ils s'ensablent constamment. Vous nous retardez, je vous dis. Mon colonel, je vous suivrai. J'y arriverai. Je vous le garantis. Bon, puisque vous insistez. Mais vous ne prenez qu'un seul canon. Vous laissez l'autre ici. Et si vous ne suivez pas, je vous abandonne sur le chemin. Compris, c'est Kaldi ? Entendu, mon colonel. Le 18 février, à proximité de Kufra, a lieu le premier affrontement avec l'unité blindée motorisée italienne. Coup de chance, la Sahariana est surprise au repos dans une cuvette. Effrayée, la Sahariana, pourtant plus forte, préfère décamper. La première manche est gagnée, c'est un succès. Un succès? Non. On ne l'a pas détruite, elle nous a filé entre les doigts. Demain, il faudra de nouveau l'affronter. Et comme toute la colonne n'est pas arrivée, je n'ai plus que 10 voitures avec moi. 10 vieilles guimbardes, alors que les Italiens ont 13 automitrailleuses lourdes. Le 19 février sera donc le jour de l'affrontement décisif. Mon colonel, la compagnie saharienne est en train de sortir du fort. Ils foncent vers nous à toute allure. Je compte 5, 7, 9. Oh bon Dieu, 13 automitrailleuses, ça va saigner. Notre seule chance, c'est de leur faire peur. On va y aller au culot. Capitaine Guillebon, restez ici avec 5 voitures face à l'ennemi. Tentez de le fixer et de le retenir le plus longtemps possible. Renpont. Venez avec les 5 autres véhicules. Nous allons opérer un grand mouvement pour tomber sur la droite des Italiens. Il faut qu'ils nous croient nombreux. Roulez en zigzag. Faites voler du sable. Notre seule chance, c'est de leur faire peur. Quand ils voient au loin nos véhicules qui foncent vers eux et le sable qui s'élève derrière nos roues et qui cache peut-être une armada, ils croient à des renforts. Ils paniquent. Ils s'enfuient. Et figurez-vous, pour leur mettre la pression, je les poursuis pour qu'ils ne retournent pas s'enfermer dans le fort de Kufra. Je leur colle au train comme cela pendant 150 km. si par malheur, ils s'arrêtaient. S'ils nous faisaient face à 5 camionnettes contre 13 automitrailleuses, nous ne ferions pas le poids. Mais puisqu'on les poursuit, nous sommes forcément les plus forts. Ils voient le sable dans leur rétroviseur, ils ont peur. Finalement, ils réussissent à nous semer. On ne les reverra plus jamais. Leclerc a rusé avec la compagnie saharienne, mais pour prendre un fort sur un plateau rocheux surélevé, avec moins de 400 hommes, c'est une autre paire de manches. C'est tout bonnement impossible. Impossible n'est pas français. Ils n'ont plus d'avions, plus d'automitrailleuses, et ils sont encerclés. Désormais, ils ont peur. Repos. Messieurs, voici notre plan de bataille. Ne pas se montrer le jour pour qu'ils ne voient pas notre infériorité, mais les harceler la nuit. Coup de main, tir de mortier, tir isolé sur les sentinelles. Ils ne doivent plus jamais dormir. Une guerre de siège, quoi. On va les faire mûrir, mon colonel. Comptez sur nous. Souvenez-vous que nous n'avons pas beaucoup de munitions, alors tirez une fois, jetez une grenade et laissez-les réagir. La stratégie de Leclerc est payante. Les assiégés s'énervent. Un bruit, une ombre, un chien qui rôde, et les voilà qui tirent dans tous les sens. Oh, qu'est-ce que c'est que ces francesi? Toute la notte, c'est la même chose. Ils nous harcèlent, ils nous épuisent. Non è così che si fa la guerra. Soldati, tirez! Fuoco alla volontà! Eh bien, lieutenant Secaldi, vous voilà. En retard, comme d'habitude, mais enfin vous voilà. Vous êtes bien français, vous. Mon colonel, les murs du fort sont empisés, c'est de la terre. Mon canon va le réduire en charpie. À la bonne heure. Eh bien, allez-y, qu'attendez-vous? C'est que... je n'ai en tout et pour tout que 160 obus. Alors je viens vous voir pour savoir ce que je dois faire. 160 obus? Bien, limitez-vous à une trentaine d'obus par nuit. Tirez peu, mais à chaque fois, faites mouche. Wow! Ils ont un canon, capitano. Ils ont un canon? Ils ont un canon? Wow! L'obus est tombé sur le vestiaire. Il a tout détruit. Distrutto tutto! Un obus a détruit le magasin d'habillement. Mais comment on va se changer maintenant? Je veux 3 costumes de alta qualità. Francese maledetto! Le 27 février 1941, Leclerc commence à douter. Les munitions s'épuisent, il ne reste plus qu'une dizaine d'obus à l'unique canon de 75 et les Italiens tiennent toujours. Alors, le colonel a une idée. Repos. Messieurs, le général de l'Armina à Brazzaville me conseille de cesser le siège. Il n'a pas les moyens de me ravitailler, m'explique-t-il. Alors, faut-il abandonner? Pas question, mon colonel. On ira jusqu'au bout. À la baïonnette, si vous le commandez. On n'est pas venu jusqu'ici pour renoncer. On va les avoir, mon colonel, j'en suis sûr. Messieurs, je vous remercie. Quand on est le plus faible, il faut y aller au culot, je vous l'ai déjà dit. Alors, voilà ce qu'on va faire. De l'esbrouf. Depuis plusieurs nuits, Leclerc rassemble une dizaine de camions, les fait traverser l'oasis tout feu éteint pour les faire revenir par le désert, les phares allumés. Capitano! Capitano, regardez là-bas! Des lumières! Ce sont des camions. Les Français reçoivent des renforts. C'est comme ça toutes les nuits. Ils sont plus nombreux que je ne le pensais. Santa Madre di Dio, aiutaci! De même, Leclerc fait déplacer le canon 3 à 4 fois par nuit pour que les assiégés pensent que les Français en possèdent plusieurs. Oh oh, ils ont un canon de ce côté-là! Oh, capitano, ils en ont un de ce côté-là aussi! Figli di puttana! Ils nous tiennent à leur merci! On non posso crederci! Ils ont un troisième canon par là! Capitano, un disastro, una cosa orribile! Et quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Un obus est tombé sur les cuisines. Il a détruit toutes les réserves de nourriture. Oh, un désastre. Nous sommes perdus. Santa Madre di Dio. Aiuto! Aiuto! Le 28 février 1941, malgré un message de Mussolini qui rend hommage à la défense valeureuse du fort de Koufra, et qui se dit convaincu qu'un fils de la grande Rome ne capitulera jamais face à l'ennemi, le capitaine Colonna envoie un émissaire doté d'un drapeau blanc. Capitaine Guillebon, allez voir ce qu'ils veulent. Tiens, tiens. Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de votre visite ? Nous venons vous prévenir que nous avons rassemblé tous nos blessés dans le coin nord-ouest du fort. Et nous vous prions de ne pas bombarder de ce côté. C'est tout ? Pas tout à fait. Le capitano, il aimerait savoir si... À titre de renseignement, mais sans s'engager parce que je n'ai pas la mission pour le faire, si par hasard... Je comprends rien. Qu'est-ce que vous voulez au juste ? Eh bien, nous aimerions savoir quelles seraient les conditions d'une éventuelle capitulation. Même si évidemment, nous n'en sommes pas là. Il capitano, il n'y pense pas du tout, mais c'est comme ça, juste pour savoir. Côté italien, c'est la démoralisation la plus complète. Nous sommes perdus. Ils sont bien plus forts. La preuve, ils ne veulent même pas négocier. Nous sommes perdus. Ils sont cuits, mon colonel. J'ai joué au dur pour les impressionner. Très bien. Alors cette nuit, pas de répit. On donne tout ce que l'on a. Tout ce qu'on a, tout ce qu'on a. De toute façon, il me reste plus que 6 obus. Alors ce sera vite vu. Ils ont intérêt à se dépêcher de capituler, ces Italiens. Le lendemain, 1er mars 1941, la porte du fort s'ouvre à nouveau. Cette fois-ci, c'est un officier qui demande officiellement à négocier la reddition. J'envoie un capitaine. Et les parlottes s'éternisent. J'en ai assez, je saute dans une camionnette Bedford et je fonce vers le fort. Les Italiens sont tellement surpris qu'ils ne ferment même pas la porte. J'arrive ainsi dans la cour, au milieu de l'ennemi, devant des soldats médusés. Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Vous n'avez pas le droit d'entrer, je ne me suis pas rendu. Ce n'est pas juste. Ah, cessez vos enfantillages, Colonna. Rassemblez immédiatement tous vos officiers dans la salle de réunion. Mais je ne veux pas. Je ne me suis pas rendu. Exécution. Messieurs, vous vous êtes bien battus. Vous avez résisté aussi longtemps que possible. Vous ne devez pas avoir honte de capituler. Votre honneur est sauf. Vous vous rendez sans condition. Voyons, il est 13h30. Je passerai votre garnison en revue dans une demi-heure. Et tandis que les soldats italiens se rassemblent dans la cour, le colonel Leclerc dicte l'acte de reddition au capitaine Colonna, soulagé que tout soit terminé. À 14h, la garnison défile devant le vainqueur, puis prend le chemin de la captivité. En descendant vers les camions français, il découvre quelques dizaines de soldats hirsutes, sales, armés de vieilles pétoires et dotés d'un seul canon. Ok. Je crois que nous nous sommes fait avoir. Le Duce ne sera pas content. Et puis tant pis, pour nous, la guerre est finie. La prise de Koufra est à la fois dérisoire et d'importance. 4 canons, une cinquantaine de mitrailleuses, 14 automobiles, un stock de vivres, de munitions et d'essence. Un véritable petit trésor pour les pouilleux de la France libre. La prise de Koufra, c'est aussi autre chose. La première victoire de la France libre. Non, la France n'est pas morte, elle continue le combat. Le général de Gaulle adresse d'ailleurs ce message à Leclerc. Les glorieuses troupes du Tchad et leurs chefs sont sur la route de la victoire. Je vous embrasse. Il ne croit pas si bien dire. Le 2 mars, Leclerc rassemble ses hommes dans le fort de Koufra. Et tandis que le vent gonfle le drapeau tricolore frappé de la croix de Lorraine, il leur fait tenir ce serment. Jurez de ne déposer les armes que lorsque nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront à nouveau sur la cathédrale de Strasbourg. Nous jurons ! Hier, 22 novembre 1944, c'était mon anniversaire. J'ai 42 ans. Je regarde le drapeau français qui flotte sur la cathédrale de Strasbourg. Ça y est. Après tant d'épreuves, après tant de batailles, nous y sommes. J'ai tenu ma parole. Le serment de Koufra est tenu. Des balles sifflent autour de moi. Peu m'importe. Maintenant, je peux mourir. « coup franc 1941, la première victoire de la France libre de Jean-Yves Le Naour, avec Leclerc, Bertrand Passos, Louis Dillot, François Rabette, Jacques de Guillebon, Théo Combi le maître, le lieutenant Roger Sequeldi, David Mandino, le capitaine italien Colonna, Enrico Di Giovanni, le soldat italien Sylvain de Guillaume, le chef du village Sidhamet Agoum. Bruitage Bertrand Amiel, prise son, montage et mixage Éric Boisset et Lidouine Caron, assistante à la réalisation Manon Dubu, réalisation Cédric Ossir. Vous écoutez France Inter, autant on emporte l'histoire. Dans quelques minutes, on poursuit la discussion sur Leclerc et sur la victoire de coup franc avec mon invité Jean-Christophe Notin. Every thought that I ignore, another question's at my door. It's where we begin to believe in this again. Can we believe? Can we believe? I walk down the street with shadows at my feet and words in my head, songs left unsaid. Do you know how we got here? You know how we got here. I drank to clear my throat, not to eat the words you wrote. I've said these words before, felt this break, close that door. Are you a stranger? Are you a stranger? Everything that you wrote sticks inside, chokes my throat. Do I think way too much? Are we running out of love? Can a nation built on blood find its way out of the mud? Will the people at the top lose their way enough to stop? Can we begin again? Can we begin again? Can we begin again? Can Begin Again de Norah Jones sur France Inter, autant d'emporte l'histoire à la réalisation Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Grégory Wallon. Jean-Christophe Notin, je vous propose tout de suite d'entendre la voix de Leclerc. Il n'aimait pas beaucoup parler, je crois, mais le voici. En 1946, il est au balcon de l'hôtel de ville de Strasbourg, où il rappelle aux Strasbourgeois l'engagement qu'il avait pris en 1940 de libérer leur ville et l'Alsace. En 1940, dans un bureau du Cameroun, lorsque je reprends la lutte derrière le général de Gaulle, je trouve une ancienne carte de France portant l'Alsace-Lorraine en violet, comme avant 1914. Cette tache, nous voulons l'effacer. Dès 1940, nous voulons la libération de toute la France. Trois mois après, c'est coup franc, c'est-à-dire la première conquête faite sur l'ennemi par des troupes françaises seules. En hissant les couleurs nationales sur le fort, nous jurons de ne pas déposer les armes jusqu'à la montée de ses couleurs à la flèche de votre cathédrale. Une scène très gaulienne, on pourrait dire, hein, Jean-Christophe Notin, oui, un hôtel de ville de Strasbourg. Évidemment, on pense à De Gaulle, à Paris, en août 44. Oui. Alors, le clan n'était pas un très grand tribun. Hein. Non. Il devait se pousser pour faire ce genre de discours, mais là, c'était quand même la célébration du deuxième anniversaire. De la conquête de Strasbourg, la libération de Strasbourg. Leclerc était populaire, hein, quand même, je crois. Adoré. Alors, comme l'a très bien dit la fiction, les premiers contacts ont été toujours difficiles, ce qui avait un caractère très dur, très rude. Mais il était si près de ses hommes. Enfin, il a vraiment, dans beaucoup de combats, il était au-delà de ses hommes. Il faut bien imaginer ce que c'était. Il allait à l'avant. Hein. Ah oui, mais même certaines fois, les hommes étaient obligés de s'arrêter parce que le chef était devant. Donc, ils allaient lui tirer dessus. C'était un peu gênant. Donc, il était adoré. Il partageait leurs conditions de vie, leurs rations. Il vivait à la dure. Donc, il est vraiment adoré. Et surtout, très, très précautionneux dans l'emploi de ses hommes. Il ne faisait tuer personne pour rien. Vous avez rencontré, je crois, pour écrire votre livre, ils étaient 1038, entretien inédit avec les compagnons de la Libération. Vous avez rencontré, je crois, Roger Segaldi, là, qui apparaît dans la fiction. Ah, parmi tous les anciens de la France libre, il était présenté comme l'artilleur de Koufra. Celui qui avait fait tourner le canon autour de Koufra pour faire croire qu'il y en avait plusieurs. Ouais. Et donc il avait pas son pareil pour raconter ça. D'ailleurs pour démythifier comme la plupart des compagnons, comme à vrai dire tous ceux qui ont vraiment fait des choses dans la vie et en particulier dans la guerre. Toujours une grande, grande humilité. C'était un homme assez extraordinaire, qui avait donc ce prestige de Koufra. Bon, ensuite, qui a participé au putsch, donc c'est un peu... Putsch de 62, c'est une autre histoire. Hein. C'est un des gaullistes, évidemment, c'était un peu particulier, mais il n'a jamais été rejeté par les compagnons, il faut le dire. C'était une société très particulière, donc ils ne l'ont jamais rejeté, y compris pour sa participation au putsch. En novembre 1944, après avoir libéré Strasbourg, Leclerc dit qu'il a tenu son serment et que maintenant il peut mourir. Bon, il ne mourra pas tout de suite, mais peu d'années plus tard, en 1947, dans un accident d'avion en Algérie, il y a quelque chose de chevaleresque hein, chez Leclerc, au-delà, évidemment, du style, du monocle, du stick, tout ça, c'est un peu la caricature. Mais il a décidé qu'il allait libérer la France. Et ça peut passer, ce côté chevaleresque, par une forme d'insoumission, de désobéissance. Il désobéit à Pétain. Enfin, il désobéit à la France, entre guillemets, légale. Oui. Alors, ça, c'est toujours dans le fond, je dirais, des Français libres. Ont-ils désobéi ou ont-ils fait que n'obéir à leur honneur qui leur imposait de continuer avec les armes à la main avec le général de Gaulle? Et en janvier 41, même avec ses hommes, futurs compagnons de la Libération pour certains, il n'y a pas grand monde pour croire que son expédition de Koufra. C'est même pire parce qu'à vrai dire, dans l'euphorie de juillet 40, ils peuvent se dire, ça y est, il y a des troupes qui vont nous rallier, des territoires qui vont nous rallier. En janvier 41, ils se rendent compte que non, ça y est, c'est terminé. Il y aura l'AEF, il y a un petit peu la Polynésie, il y aura un petit peu le Proche-Orient, mais c'est rien. Ouais, l'Algérie, la Tunisie sont pétainistes. Tout ça reste sous les ordres de Pétain. C'est une immense déception de ce point de vue-là. Et Koufra, donc, pourquoi cette victoire le 1er mars 1941 est-elle essentielle pour la France? Alors, elle est essentielle d'abord pour Leclerc et ses hommes. C'est-à-dire que Leclerc leur montre qu'ils sont capables de faire des choses en dépit de leurs très faibles moyens. Elle est ensuite capitale pour la France libre. Parce que vis-à-vis des alliés, ça leur montre que non, l'armée française n'est pas morte. Après, évidemment, elle a eu une renommée qui a dépassé sa véritable importance. On dit première victoire de la France. Le général Leclerc le précise très bien à Strasbourg. Il dit première victoire des troupes françaises seules. La première victoire de la France libre, c'est en fait le 22 février. Donc 10 jours avant, oui. C'est à Cubcube, en Érythrée. Là encore, ce sont des Français dans des conditions de combat bien plus terribles, à vrai dire, qu'à Koufra. Très grosse victoire, mais en Érythrée, ils sont sous commandement anglais. Et ça, évidemment, c'est pas du tout la même importance pour le général de Gaulle dans son discours vis-à-vis des alliés et vis-à-vis des Français. Il y aura des milliers de tracts qui vont être largués au-dessus de la France, disant, voilà, Koufra, les Français se battent, les Français gagnent, ça va redonner de la confiance et du courage. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, un des tracts va tomber dans la propriété du général Leclerc. Donc les enfants vont Picardie. Voir, oui. Ils auront enfin des nouvelles de leur père. En quelque sorte. Koufra n'est évidemment qu'une étape dans le grand projet de Leclerc. Il va ensuite chasser les Italiens du Fezzan à l'ouest de Koufra et puis ensuite remonter vers la Tunisie. Oui, le but de Leclerc, c'est de 40 à 43 d'agiter un peu le fin fond du sud du front allié qui est le plus important, qui est en Méditerranée. C'est là où il y a la fracas-corps de Rommel qui se bat face à la 8e armée anglaise. C'est le rôle de moustique, hein, si j'ose dire, vu l'importance des troupes de Leclerc. Leclerc va remonter, essayer d'atteindre l'Afrique du Nord, donc ça sera le fait de la jonction avec les troupes britanniques. Faire la jonction avec les troupes britanniques, la campagne de Tunisie, où il y aura de très belles batailles là, véritablement en fait de bien plus grande importance que Koufra, et bien plus magistralement menée par Leclerc. la formation de la DB en Afrique du Nord, et ensuite donc le débarquement en France. Voilà, oui, ils partent du Maroc jusqu'en Angleterre, et ensuite attendent le débarquement de juin 1944. Évidemment, après, c'est la libération de Paris le 25 août 1944, la libération de Strasbourg en novembre 1944. Ensuite, que va-t-il faire, Leclerc ? Alors, il va absolument tenir à ce que ses troupes passent en Allemagne, parce que ce n'était pas évident, les Alliés ne voulaient pas des Français en Allemagne, donc il va se battre. Il va donc arriver à Berchtesgaden, il va voler Berchtesgaden, vraiment à la barbe des Américains, hein. C'était une histoire là aussi exceptionnelle. Et ensuite, donc, il va quitter la 2e DB, il va aller combattre en Indochine. D'abord en Asie, avant les bombes Hiroshima-Nagasaki, ensuite donc essayer de récupérer l'Indochine, qui est à cette époque occupée par les Chinois, il y a l'émergence du Viet Minh. Et c'est en Algérie qu'il va trouver la mort dans un accident d'avion le 28 novembre 1947. Dans un transfert entre Oran et Colombéchard, il est à l'époque inspecteur général des armées en Afrique du Nord. Il mène une mission d'inspection et l'avion a un accident lié à la transformation de l'appareil, qui est un appareil de guerre qu'on a transformé pour le transport de civils. Il a été très vraisemblablement mal configuré, on n'a pas la preuve à 100%. Oui, à 99,99%. On a parlé de complot, d'attentat. Tout ça, je dis non, ça c'est pas possible. C'est certainement un accident et lié à cette transformation. Donc Leclerc meurt le 28 novembre 1947, il n'a que 45 ans. Obsèques nationales. Il devient maréchal à titre posthume en 1952. Quelle a été l'évolution politique de Leclerc ? Avant 40, il est Action française, monarchiste, extrême droite, antisémite, anticommuniste. Leclerc est très, très, très marqué par son milieu de l'époque. Il est à l'image, j'allais dire, de son père. Donc, comme vous dites, il lit l'Action française, très évidemment anticommuniste. Républicain vraiment par raison, je dirais. Son père était monarchiste, mais enfin, il respectait toute la République, mais dans le fin fond, il était monarchiste. Et on verra vraiment une évolution avec, comme il le dit dans la fiction, l'écroulement de la France qu'il rêvait, qu'il fantasmait, et une adhésion complète au discours du général de Gaulle, mais complète. Et donc il est gaulliste jusqu'à sa mort. Merci beaucoup Jean-Christophe Notin. Vous êtes l'auteur d'une biographie de Leclerc, donc disponible chez Perrin dans la collection de poche Timpus. Et vous êtes aussi l'auteur de « Ils étaient 1038, entretiens inédits avec les compagnons de la libération » à paraître dans quelques jours aux éditions Talendier. À lire aussi la série de BD consacrée aux compagnons de la libération et au général Leclerc, écrite par Jean-Yves Le Naour aux éditions Bambou. Enfin, je signale l'ouverture du nouveau musée de la libération, musée des généraux Leclerc, musée Jean Moulin, place d'Enfer Rochereau à Paris. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, je vous parlerai d'une autre histoire fascinante, celle au début du 19e siècle à l'île de la Réunion, de l'esclave Fursi qui intenta un procès contre son maître, un combat judiciaire de plus d'un quart de siècle pour faire reconnaître sa liberté. Fursi, l'esclave qui intenta un procès contre son maître, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire. Mais dans quelques minutes après le flash, ne manquez pas votre rendez-vous avec Modern Love de Nadia Dame. Très bonne soirée sur France Inter.